Yeah. L'antidote la famille. L'antidote la famille. Le vice music. Ah, rien n'a changé. On est sur terre pour faire le bien. Que Dieu me pardonne de faire les mauvais choix. De devenir faible face à des saints. De faire des lovés le soir. D'avoir sali, de leur avoir toutes menti. D'avoir aucun respect pour ma personne. Au point d'avoir son boule dans le pif. Bref, j'ai changé, j'ai invoqué pour devenir meilleur. Car je n'ai pas fait que de petites erreurs. Je pourrais te parler de mes blessures, de mes rêves balafrés. Ils me disent tous, machallah, t'es son mon frère, je devrais même pas rapper. J'ai 25 balais, je les entends, Jacques, t'es d'ici. Paraît que tu t'es marié, t'as même des enfants, ça me fait zizir. On rappe nos vies comme elles le sont. Prends pas de calculatrice, dis-leur qu'en bas, ça pue la piste. Pour fuir, faut faire des bêtes de son. On rappe nos vies, gros, rien n'a changé. C'est dur, mais c'est la vie, pour faire le bif, faut se mettre en danger. N'oublie pas que nos sourires sont le reflet de nos cicatrices. On avait l'espoir d'y arriver, on l'a voulu, la vie d'artiste. Maintenant c'est raté, on rappe nos vies, gros, rien n'a changé. C'est dur mais c'est la vie, pour faire le beat faut se mettre en danger. N'oublie pas que nos sourires sont le reflet de nos cicatrices. On avait l'espoir d'y arriver, on l'a voulu, la vie d'artiste. Je finirai comme Intertoto. J'ai pas la frappe avant de Percy. J'suis pas une star, prends pas de photos. J'serai déjà rabat avant le selfie. Faut que j'tire avant de tomber. Faut que maman bosse moins dur. Moi j'veux pas être une grosse pointure. J'ai déjà du mal à prendre mon pied. J'ai dit j'arrête pourtant, les cousins m'ont dit que j'avais la place. J'étais en train de rejoindre le banc. Quel est le clown qui a fait la passe? J'aime pas les keufs qui parlent de gros bifetons et de convoyeurs blessés. J'aime pas les meufs qui te parlent de religion mais qu'on voit leur tété. Ils veulent que je me confie, y'a qu'à maman que je dis mes quatre vérités. Y'a rien à gratter dans mon cœur petit, j'ai déjà vérifié. Y'a que ma mère que j'aime, que Dieu la garde. Tu pourras pas devenir ma femme si pour séduire t'as que ta paire de fesses. Je passe ma vie à faire semblant, à nourrir le personnage, à trafiquer le paysage pour leur dire ce qu'ils rêvent d'entendre. Bientôt j'arrête le rap pour m'en remettre à Dieu. Sali par les péchés, j'ai beau me laver, pourtant je reste crasseux. On rappe nos vies, gros, rien n'a changé. C'est dur mais c'est la vie, pour faire le beat faut se mettre en danger. N'oublie pas que nos sourires sont le reflet de nos cicatrices. On avait l'espoir d'y arriver, on l'a voulu, la vie d'artiste. Maintenant c'est raté. On rappe nos vies, gros, rien n'a changé. C'est dur mais c'est la vie, pour faire le beat faut se mettre en danger. N'oublie pas que nos sourires sont le reflet de nos cicatrices. On avait l'espoir d'y arriver, on l'a voulu, la vie d'artiste. Maintenant c'est raté. On l'a voulu, la vie d'artiste. On l'a volé, la vie d'artiste, rien n'a changé. C'est que le reflet de nos cicatrices. Maintenant c'est raté. Non, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. C'est que le reflet de nos cicatrices. On l'a volé, la vie d'artiste. Maintenant c'est raté. L'antidote, la famille. Le fils musique. C'est que le reflet de nos cicatrices. Maintenant c'est raté. Yeah. L'antidote la famille. L'antidote la famille. Le vice music. Ah, rien n'a changé.